Section numéro 67 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Charlotte. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades. 1095 jusqu'à 1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rombaut. Chapitre 13, troisième partie. La formation des royaumes du Nord, par Émile Aumont. Les pays scandinaves au Xe siècle. Nous avons déjà dit que pendant la période des Vikings, les Danois occupaient la Scanie et les îles qui lui font face. Les Jutes, d'abord relégués à l'extrémité nord de la péninsule Cimbrique, sont descendus au sud, après l'émigration des Angles, jusqu'à la rencontre des Saxons et des Ébotrites. Au nord, dans la péninsule scandinave, les Goths occupaient le pays qui porte encore leur nom. Les Suédois étaient relégués sur les côtes orientales et dans la région des Grands Lacs. Sur les rois qui gouvernaient ces peuples, on ne sait presque rien. La légende, il est vrai, a conservé le nom de quelques-uns d'entre eux, mais en leur attribuant une importance qu'ils n'ont pu avoir. War Witfam, à la vaste renommée, aurait régné à une époque indéterminée sur tous les pays du Nord, y compris l'Angleterre. Son petit-fils, Harald Ildetan, à la dent bleue, puis Sigurd Ring, son rival heureux, lui aurait succédé dans toutes ses possessions. Il est visible que la légende a attribué à ces chefs de tribu des traits de l'histoire de Canute, Knud ou Knut, le Grand. D'autres personnages sont plus réels. Tel est, par exemple, ce Reynard Lodbrog que mentionnent, à la fois, les sagas et les chroniques anglo-saxonnes. L'histoire certaine ne commence, et seulement pour la partie la plus méridionale des pays scandinaves, que lors de l'apparition des Francs sur l'Elbe inférieure. Formation du royaume de Danemark. Les chroniqueurs francs mentionnent les Danois, pour la première fois, à propos des guerres de Saxe. Witikind a plusieurs fois cherché de secours en Jutland. Les Francs l'y suivirent et imposèrent le tribut à plusieurs chefs danois. Au siècle suivant, nous voyons les rois de Germanie renouveler les mêmes expéditions, sans autre succès que de favoriser la diffusion du christianisme. Au 5e siècle, les évêches de Schleswig, d'Aarhus et d'Odensee, suffragants de Hambourg, sont fondés et les rois de Danemark sont chrétiens. Jusqu'à la fin du Xe siècle, ces rois de Danemark sont des minces personnages. Il n'en est plus de même de leurs successeurs. Suénon Ier, à la barbe fourchue, commence la grande période du Danemark. Il bat les Norvégiens, les Suédois, les Vendes, soumet le royaume anglo-saxon d'Ethelred au Danegeld. En 1014, son fils Canute lui succède. Nous n'avons pas à nous occuper ici de sa domination en Angleterre. D'ailleurs, c'est surtout en Danemark que son règne a eu des conséquences. À son avènement, il n'y avait encore, dit-on, que 400 000 Danois sur 800 000, convertis au christianisme. Il acheva la conversion de son peuple, essaya de supprimer les guerres privées, appela en Danemark un grand nombre de prêtres, d'ouvriers, d'architectes anglo-saxons, et s'efforça de faire de son pays une seconde Angleterre. L'influence de la civilisation anglo-saxonne ne se limita pas au seul Danemark. Les guerres heureuses de Canute en Suède et en Norvège la propagèrent dans tout le Nord. Après sa mort, en 1026, son vaste empire s'écroula presque sans secousse. La Norvège, qu'il avait conquise à un moment, se sépara sans combat. En 1042, l'Angleterre passa à l'anglo-saxon Édouard le Confesseur, et avec Magnus de Norvège, le petit-fils de Canute le Grand, s'éteignit en 1047 l'antique dynastie des Skjoldungs qui faisait remonter son origine à Odin. Avec Suénon, Svend Estridsen, neveu de Canute le Grand, commença la dynastie nouvelle des Estridsides. Les premiers règnes ne sont marqués que par des guerres civiles, dans lesquelles interviennent constamment les empereurs, qui s'efforcent de faire du Danemark un royaume vassal de l'Allemagne. Au milieu de ces guerres civiles, le christianisme achève de s'affermir. En 1095, Lund devient le siège d'un archevêché dont la juridiction s'étend sur tout le nord. Le clergé est déjà assez puissant pour entrer en lutte ouverte avec le roi. Au dehors, les rois de Danemark profitent des répits que peuvent leur laisser les guerres civiles et les invasions des Vendes pour essayer de reconquérir l'Angleterre. Avec Valdemar le Grand, 1137 jusqu'à 1182, commence une nouvelle période d'expansion, tournée cette fois vers l'Est. Il s'empare d'Arcona, le sanctuaire des Vendes dans l'île de Rügen, de Julin, dans l'île de Wallin. La légende veut qu'il ait fondé Danzig et, en Danemark, dépossédé l'ancienne capitale, Roskilde, au profit de Copenhague, mieux placée pour surveiller les nouvelles possessions danoises. Canute II, de 1182 jusqu'à 1202, acheva la conquête de la Slavonie, Mecklembourg et Poméranie, et réunit, le premier, les titres de roi des Slavons et des Danois, et de seigneur de la Nordalbingie. Valdemar le Victorieux, 1202 jusqu'à 1241, son frère, porta ses conquêtes encore plus loin. Il attaqua les païens de Livonie et d'Estonie, et fonda Revel à l'entrée du golfe de Finlande. À ce moment, le bassin méridional de la Baltique n'était plus qu'une mer danoise. La croisade contre les païens de l'Est, qui avait continué, sous un autre nom, les expéditions des Vikings, refaisait au Danemark un nouvel empire du Nord. Toute cette grandeur s'écroula après que Valdemar se fût laissé prendre par un comte de Schwerin. En 1223, il dut abandonner aux Allemands le pays Vende, moins Rügen et la Nordalbingie. En 1229, il perdit le Holstein. En 1238, Revel et la Livonie. Enfin, à sa mort, le reste de ses possessions fut partagé entre ses cinq fils. Le Danemark s'éclipsa donc au moment où les Allemands, avec les ordres des Portglaives et des Teutoniques, et les Suédois, avec leur nouvelle dynastie des Folkungs, s'engageaient à leur tour dans les voies de la croisade et de la conquête des terres païennes de l'Est. Formation du royaume de Suède. Nous avons vu comment Procope, au VIe siècle, partageait les habitants de la péninsule scandinave en 14 peuples, gouvernés chacun par son roi. Cette division du pays a dû subsister longtemps, favorisée par les nombreux lacs et les grandes forêts de la Suède primitive. Encore aujourd'hui, on croit retrouver, dans les mœurs particulières des différentes régions de la Suède, la trace de ces royaumes primitifs, disparus avant que l'histoire ait pu noter leur existence. Les premiers renseignements un peu positifs nous montrent la Suède divisée en deux grandes régions qui garderont une sorte d'autonomie jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Ce sont la Suède proprement dite, autour des lacs, et au sud, la Gothie, qui n'allait pas jusqu'au Sund. La Scanie et le Hollande se rattachaient au Danemark. Le Bohusland, à l'ouest, à la Norvège. Le nord était parcouru seulement par des Lapons. À quelle époque la Gothie et la Suède se sont-elles réunies? On ne peut le préciser. Le souvenir du temps où la Gothie vivait à part se trouve encore dans les sagas islandaises et dans les légendes anglo-saxonnes de Beowulf, roi de Gothie, qui aurait vécu au 8e siècle. En tout cas, à l'époque où Anskar visita la Suède, 836, Il n'y avait plus de roi particulier en Gothie. En revanche, les rois se succédaient vite sur le trône unique de Suède et de Gothie. En quelques années, Anskar en a connu trois, Bjorn, Anund et Olof. Comme nous retrouverons ces noms portés par des rois postérieurs, de la dynastie des Ynglingaaten, on peut croire que les rois connus par Anskar appartenaient aussi à cette dynastie. Les origines des Ynglingaaten ne nous sont connues que par des traditions obscures. On y entrevoit confusément des luttes de petits rois contre le roi plus puissant de la vieille Uppsale, le sanctuaire de l'odinisme suédois. Puis des expéditions de Finlande, en Jutland, en Angleterre, qui auraient abouti, à la fin du Xe siècle, à la constitution d'un vaste royaume du Nord, sous Erik Zegerzal, le victorieux. L'histoire sérieuse ne commence qu'avec le fils de cet Erik, Olof Skötkonung. En 1008, à Husaby, en Västergötland, il se fait baptiser avec une grande partie de son peuple. Il attire, en Suède, des ouvriers anglo-saxons. Les premières monnaies frappées en Suède sont à son effigie. Il est donc un roi civilisateur, mais en même temps un roi guerrier. On le voit guerroyer contre la Norvège, qu'il conquiert, de moitié avec les Danois, et perd bientôt après. Ses descendants conservèrent le trône un peu plus d'un siècle. Pendant toute cette période, les guerres civiles furent nombreuses. Peut-être étaient-elles en même temps des guerres religieuses. Quoi qu'il en fût, sous le règne de Sverker, 1033 jusqu'à 1152, le triomphe du christianisme est complet. Un grand nombre de nouveaux évêchés sont fondés. Il y en a même un à Uppsale. À la prière du roi, Saint Bernard envoie des moines fonder en Suède les premières cloîtres des pays. La Suède, complètement christianisée, est en mesure d'entreprendre à son tour des croisades contre les païens de l'Est. Ce mouvement d'expansion est à peine retardé par les guerres civiles qui éclatent après la mort de Sverker. La Gothie et la Suède se séparent. Le fils de Sverker règne en Gothie, tandis qu'Éric, un bon et riche paysan, disent des chroniques, est élu en Suède. Éric gouverne, du reste, comme avait gouverné Sverker. Il est surnommé le saint ou le législateur et travaille, comme Sverker, à l'expansion du christianisme, mais particulièrement en Finlande. Les Suédois y avaient depuis longtemps des établissements. Mais ce n'est qu'avec Éric que commence la croisade et la conquête méthodique. Après sa mort, les guerres civiles se multiplient. En même temps, les païens reprennent l'offensive. Les Caréliens et les Russes attaquent les établissements suédois de Finlande, tandis que les Vendes pénètrent dans le lac Mälar et brûlent la ville antique de Sigtuna, ce qui détermine le roi Canute Eriksson à fonder une nouvelle capitale, Stockholm. Stockholm, l'île des pieux, dans une position plus facile à défendre. En 1222, le dernier descendant mâle de Sverker, Erik Eriksson, monte sur le trône, mais il n'a aucune autorité. Tout le pouvoir royal est passé au clergé et au comte, et Erik ne se maintient sur le trône, au milieu de guerres civiles continuelles, que grâce à son beau-frère, le puissant comte Birger Brosa, qui, d'après un légat du pape qui visite la Suède en 1247, est le vrai roi de Suède. Il succède à Erik Eriksson sans difficulté, en 1250. Il est le premier roi de Suède dont on connaisse avec certitude la date de la mort. Formation du royaume de Norvège. Le Danemark et la Suède ont été, dès leur début, des États assez nettement limités, avec un centre indiqué par la géographie, pour l'un sur les bords du lac Mälar, pour l'autre sur ceux du Sund. La Norvège primitive, au contraire, s'étendait sur une immense étendue de côte, beaucoup plus loin que la Norvège actuelle. D'un côté, elle atteignait la Biarmie, les rives de la mer Blanche. De l'autre, elle descendait le long des côtes du Kattegat, presque jusqu'à la Scanie danoise. Elle n'avait pas de centre. Les plaines les plus fertiles et les plus peuplées regardaient vers le golfe de Christiania et la Suède. Les côtes de l'ouest, plus actives, ne vivaient que par l'océan. Cependant, le royaume de Norvège apparaît dans l'histoire presque en même temps que ceux de Danemark et de Suède. Peut-être faut-il y voir la conséquence des rapports que la Norvège a eus, de très bonne heure, avec les royaumes anglo-saxons. En 863, l'unification de la Norvège est commencée par Harald Harfager, aux beaux cheveux, un rejeton de la dynastie suédoise des Yngling. Il dépossède de nombreux petits chefs, parmi lesquels, dit la légende, le Rollon qui alla fonder le duché de Normandie, et conquiert l'Islande, les Féroé, les Shetland, les Oréades, les Hébrides, une partie de l'Écosse, de l'Irlande et de l'île de Man. Il y a évidemment quelques exagérations dans les exploits qui lui sont attribués. Il meurt vers 933, laissant la couronne à son fils Hakon, ou Hakon le Bon, qui avait été élevé à la cour du roi anglo-saxon Æthelstan. Hakon entreprend la conversion de son royaume au christianisme. Il déclare à l'assemblée du peuple, à Drontheim, que tous les Norvégiens devront recevoir le baptême, observer le jeûne du vendredi, le repos du dimanche. Le peuple murmure. Des révoltes éclatent, les prêtres anglo-saxons sont massacrés et Hakon le Bon mourra en 950 après avoir complètement échoué. L'honneur de convertir la Norvège était réservé à un autre descendant d'Harald Harfager, Olaf Tryggvason. Après avoir visité à Novgorod la cour du prince Vareg Vladimir, puis les royaumes de l'Europe occidentale, revenu en Norvège vers 995, il réussit à en convertir toute la partie méridionale, mais périt dans une guerre contre les Danois. La tâche fut achevée par son fils, Olaf le Saint. L'histoire de la Norvège au XIe et au XIIe siècle n'est qu'une suite confuse de guerres où nous voyons tantôt les Suédois et les Danois réunis se partager la Norvège, tantôt les Norvégiens conquérir les îles de l'océan, envahir l'Irlande, envahir l'Écosse, sans y remporter, du reste, des succès durables. Une des plus remarquables de ces expéditions est la croisade du roi Sigurd, en 1183. Parti de Drontheim avec 60 navires, il alla hiverner en Angleterre, où il fut bien reçu par le roi Henri Ier. Les Anglo-Normands avaient des rapports d'autant meilleurs avec les Norvégiens qu'ils en avaient de pires avec les Danois. D'Angleterre, Sigurd se rendit en Galice, secourut le comte de Portugal contre les Maures, pilla Lisbonne au passage, resta quelque temps dans les Baléares, se fit héberger en Sicile par le duc normand Roger, arriva en Terre Sainte, prit Sidon et se remit aussitôt en route pour le nord, en passant par Constantinople, où l'empereur lui fit de riches présents, et l'Allemagne. Cette croisade, qui avait duré 3 ans, fut une véritable expédition de vikings. Seulement les Norvégiens n'y piratèrent, sauf accident, que sur les musulmans. Pendant ce temps, la Norvège était florissante. Sa capitale, Drontheim, enrichie par le commerce avec les royaumes du sud-ouest, et d'autre part avec les côtes de Biarmie et d'Islande, était une grande ville. Elle est ornée d'églises et fréquentée par un grand concours de peuple, écrit Adam de Brême. Les églises jouaient, en effet, un grand rôle dans la prospérité de Drontheim. L'une d'elles possédait le corps du roi martyr Saint Olaf. Le clergé était devenu riche et tout-puissant. Son influence, contre laquelle les rois se heurtent constamment au XIIe siècle, sera une cause d'affaiblissement pour ce royaume trop long, trop mince, qui ne devait pas tarder à devenir une dépendance du Danemark. Fin de la section 67.